بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عليه رحمة الله الناقد الثامن donc là on est bientôt à la fin du livre on est dans le huitième des نواقد الإسلام قال مظاهرة المشركين مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين le fait de secourir et d'aider les associateurs face aux musulmans. Donc celui qui fait une telle œuvre, il est certes sorti de l'islam. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Et la preuve en cela est que Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui s'allie à eux, parmi vous, sera certes de leur nombre, ou fera certes partie d'eux. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Et Allah ne guide pas le peuple injuste. Na'am. Wa qawluhu mudaharatu. Excuse-moi, ça c'est quel hayat ? C'est le 8e. Et le verset ? المائدة سورة المائدة التابل سيرفي verset 51 طيب وقوله مظاهرة قوله مظاهرة المظاهرة والمعاونة بمعنى واحد وهو المساعدة والموالاة نعم المظاهرة والمعاونة والمساعدة والموالاة بمعنى متقارب Donc tous ces mots, ils ont presque le même sens. Al-Mubahara, c'est le fait de secourir. Mu'awana, c'est d'aider. Musa'ada, c'est l'assistance. Al-Mu'ala, c'est l'alliance. Donc tous, ils ont des sens comparables. طيب. قال والموالا في اللغة مصدر من والا يوالي مولة موالة موالة والموالة أعم من التولي حيث أن الموالة هي المحبة والموالة ضد المعادة والتولي تقديم كامل المحبة والنصرة وبعض العلماء قالوا معناهما سواء يدلان على المحبة والمودة والمعاونة والمناصرة Bon, là c'est une faïda, elle n'est pas si importante que ça. C'est le fait que certaines personnes ont différencié entre le mot mu'ala et le mot tawalli. Ils sont presque similaires, sauf que certains ont dit que al-mu'ala c'est plus global que al-tawalli. Ils ont dit al-tawalli c'est le fait d'avancer. La kamil al-muhabba wa al-munasara le parfait amour ainsi que le secours pour la personne et d'autres ils ont dit que les deux sens sont les mêmes wa alaykoum salam que le mu'ala c'est tawali wa tawali huwa al-mu'ala wa hada هو الصحيح والله تعالى أعلم أن كلا المعنيين بمعنى أو كلتا الكلمتين بمعنى واحد وعليكم السلام ورحمة الله نعم وشرعا قال وشرعا وهي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم Donc, shar'an, qu'est-ce que la mu'ala, l'alliance ? C'est le fait d'être en accord, de porter secours, assistance, ainsi que d'agréer les œuvres et les actions de ceux avec qui tu t'allies. Ça, c'est la mu'ala. Donc, celui qui fait cela avec un peuple mécréant, contre un peuple musulman, فهذا قد كفر. نعم. طيب، كما ذكره الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري من علماء النجد. طيب، والموالاة تنقسم إلى قسمين. أصلا هذه الفوائد قد مرت بنا في درس النساء إذا تذكرون، في باب ولا والبراء. طيب، الموالاة تنقسم إلى قسمين. L'alliance se divise en deux. Mouwalatun amma mutlaqa, une alliance globale, générale. Wa mouwalatun khassa, et une alliance qui est spécifique à une chose. Tayyib. Fal mouwalatu al amma hiya kufrun sarih. La mouwala al amma, c'est une mécréance pure et simple. Celui qui s'allie au mécréant, ceci est une mécréance pure et simple. وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار وأن من والاهم كفر. طيب، الحمد لله. Là, c'est un point très important. Pareil, c'est des choses pareil, c'est des choses que les différentes sectes, comme les Khawarij, Takfiriyin, ils ignorent. Ce sont des choses que les Takfiriyin ignorent. Ça veut dire que pour eux, du moment que un musulman a commis une certaine alliance avec des mécréants, alors ce musulman sort de l'islam, sans jamais se tourner vers ce genre de division. Le fait qu'il y a une alliance qui est globale, générale, c'est-à-dire il s'allie avec eux dans toute chose. Il s'allie avec eux dans toute chose. Cette alliance, c'est celle-là qui fait sortir de l'islam. Mais celle qui est khassa, qala mouwalat al-kuffar li gharadin dunyawi مع سلامة الاعتقاد فهذا لا يخرج المرء من الإسلام. Le fait de s'allier avec eux pour une quelconque chose de cette dunya, pour un quelconque intérêt de ce bas monde, tout en étant préservé dans la croyance, c'est-à-dire ne jamais croire que leur religion est vérité ou qu'ils sont sur un droit chemin. Donc la mouala, elle se divise en deux. Mouala amma, mutlaqa, wa khassa. Donc, l'alliance, elle se divise en deux. Celle qui est globale et générale, et c'est celle-là qui fait sortir la personne de l'islam. Et celle qui est spécifique, c'est-à-dire qui concerne des choses de ce bas monde, tout en étant préservé dans la croyance. Avec une préservation de la croyance. Kama dhakarahu al-sheikh عبد اللطيف ابن عبد الرحمن كما évoqué الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن. Ensuite on a évoqué un كلام عجيب وان كلام مهم كلام مهم من الامام محمد بن عبد الوهاب. فقال الامام محمد بن عبد الوهاب ان الانسان لا يستقيم له اسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء كما قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. C'est un kalam azim de l'imam Mohamed ibn Abdul Wahhab. Donc l'imam Mohamed ibn Abdul Wahhab dit quoi dans cette parole? Il dit, certes, l'être humain, sa religion ou son islam ne sera jamais droit, même si il unifie Allah Azza wa Jal dans son adoration. C'est-à-dire il n'adore nul autre qu'Allah. Et même si il délaisse le shirk, tant qu'il ne prendra pas les associateurs pour inimitié. Yani la yuhibbuhum, wa la yuhibbu aqidatahum, wa la minhajahum. Yubghidhuhum min qalbih. Na'am. Et sans qu'il ne leur, il ne leur affirmera pas cela, et leur déclarera pas leur inimitié, son inimitié envers eux. Donc ça c'est une kalam forte de l'imam Mohammed ibn Abdullah. Il te dit que ton islam, il sera jamais droit. Jusqu'à ce que tu, même si tu unifies Allah Azza wa Jal, même si tu laisses le shirk, jusqu'à ce que dans ton cœur, tu détestes ماذا? Le kufr, le shirk, wa kadhalika ahlihima. Que tu détestes le kufr, la mécréance, ainsi que l'association, et aussi les gens qui et aussi les partisans de ces deux choses. Naam. Donc c'est une chose importante que la personne elle soit pas trompée. Hatta wa ansha fi wasatihim. Et c'est pourquoi le fait de vivre au milieu de ces gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Naam. Il a mis en garde sur le fait de rester au milieu des mouchriquins. Parce que quoi qu'il arrive, si tu négliges, tu vas être amené à les aimer. Ou à aimer une chose de leur caractéristique. Et si tu aimes une chose de leur caractéristique, il se peut que tu en aimes plusieurs au fur et à mesure. Jusqu'à ce que tu viennes à les aimer. Na'am. Na'am. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Dans surat al-Mujadala, il dit... Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah Azza wa Jal et au jour du jugement dernier avoir pour amour un peuple qui combat Allah et son messager. Naam. Hein? Surat Mujadala, verset 22. Naam. Qala wa qala al-Sheikh Abd Rahman ibn Hassan radi Allahu anhu. أو رحمه الله وأجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعادتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله عز وجل كما في حديث معاذ الذي في صحيحين فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Donc pareil, ça c'est une parole de cet imam, l'un des petits-fils de Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui dit que l'unanimité des savants, que ce soit autant des pieux prédécesseurs qu'à notre époque, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, parmi les imams et la totalité des gens de la sunna, ils sont de l'avis que la personne ne sera pas véritablement musulmane tant que elle ne se débarrassera pas du grand shirk, ainsi que tant qu'elle ne se désavouera pas de lui, c'est-à-dire du shirk, et aussi de ses partisans. Et aussi tant que la personne ne détestera pas ses partisans. Les partisans de quoi? Du shirk. Naam. فبغض الكفار على هذا الكلام مستحب أو واجب؟ ها صاحبنا لفت دي تستي الميكرو واجب واجب نعم سين اوبليغاسيون. ويا إخوة الذي تحققت محبته لله عز وجل تسهل له هذا الأمر. celui qui aime vraiment Allah عز وجل ça lui devient facile de détester toute personne ou toute créature qui prend en inimité son Seigneur. نعم تفضل. Même dans un but genre donner des conseils, exemple c'est un koufar mais je peux essayer de lui faire دعوة. نعم هذا نحن نقول toi tu vois c'est un koufar, c'est un kafir. Tu te dois de détester le fait qu'il est sur une mécréance. Maintenant, tu te dois dans le même temps de le sauver de cette mécréance. C'est-à-dire de venir à lui de la meilleure des manières. Avec le meilleur des comportements et avec la meilleure des paroles. Si possible, avec des versets du Coran, si tu sais que ça peut avoir un effet sur lui. Ou des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand là on parle de... Quand là on parle d'inimitié à avoir envers eux, c'est des choses qui sont dans le cœur. C'est des choses que tu dois avoir dans ton cœur. Tamam. Et lorsque le hal, la situation... Wa alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lorsque la situation le permet, tu peux même leur évoquer ton inimitié. Lorsque la situation le permet. Comme Ibrahim et ses partisans ont fait. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْبَغْضَى. نعم, تفضل. نعم. Mais si la situation ne le permet pas, alors, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et si tu peux pas, c'est-à-dire évoquer cela par rapport à la situation, alors il faut qu'au minimum dans ton cœur tu détestes leur faire, c'est-à-dire leur adoration en dehors d'Allah, ainsi que eux-mêmes. Naam. Et comme a dit notre frère Ahmed, ça ne sous-entend pas qu'on ne doit pas les appeler à l'islam, à sahih. Naam. وبهذا تفهم خطورة من صار إلى نهجهم. Et avec cela, tu comprends la dangerosité de ceux qui suivent le chemin des mécréants, jusqu'à les aimer d'un amour plus qu'ils vont aimer les musulmans, préférer leur pays plus qu'ils préfèrent le pays des musulmans. نعم. وخطبنا قبل أسبوعين في أي موضوع؟ الخطبة اللي هذه السمانة هي sur quel sujet؟ من يذكر؟ اسمع حضرت؟ لا خطبة. تي présent؟ c'était sur quel sujet؟ يا دسمير. ايوه نعم قد نقول الولا والبراء لكن حقيقه الخطبه كانت على ان الكفار يحسدون المسلمين وهذا حقيقه لا ريب فيها ولا مريا le sujet de la khutba il était sur le fait que les mécréants ils jalousent les musulmans ils les jalousent et ça c'est une chose qu'il faut pas douter là-dessus. Pourquoi ? Parce que awalan, c'est Allah qui nous a informé de cela. Le kitab. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أخبرنا بذلك. Et le prophète عليه الصلاة والسلام il nous a informé de la chose. لكن الشاهد هو إيش؟ الشاهد هو أن أتاني بعض الإخوة الفضلاء الكرماء ونصحني. Des frères sont venus me voir après la khutba et certains d'entre eux m'ont nassah. فبعضهم قالوا لما كنت تقول كلمة كافر كفار كذا وتكرر شعرت في نفسي شيء من الضيق. Oh là là là là. Et il est venu voir, il m'a dit, lorsque tu disais le mot mécréant et que tu le répétais, moi ça me mettait dans une gêne. Yanni, ça m'a fait. Je me sentais pas bien. À chaque fois que tu disais ce mot-là, je me sentais pas bien. Qu'est-ce que tu as dit? Voilà, mais je sais pas si c'est par rapport, je sais pas, peut-être c'est le nifaq ou là, peut-être c'est. Ou c'est le fait de me dire que voilà, c'est pas propice à ce genre de paroles ou quoi. قلت له يا أخي اعلم أن هذه عقيدتنا أهل السنة وهذا ça c'est des usul, ça c'est des bases. يعني la personne elle doit grandir avec ces bases là من صغره إلى كبره, de son berceau jusqu'à sa mort elle doit avoir ces bases là dans son cœur. Le prophète sallam dit المرء مع من أحب يوم القيامة, la personne elle sera le jour de la résurrection avec celle qu'elle a aimée fi hadi ad-dunya. Wa al-nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول المرء على دين خليله فلينظر من يخالل فلينظر احدكم من يخالل. Et la personne elle va suivre la religion de son ami intime, qu'elle fasse donc attention de qui elle fréquente, qui sur يعني sur ses fréquentations. نعم فقد يكون واحد. Il se peut qu'une personne, elle est là à l'estiqam, elle est là, elle porte l'ahya ou le qamis ou yusalli salawat al-khams ou kulliji. Lakin fi qalbihi ma indahu baghd lil kuffar. Mais dans son cœur, il n'a pas de dégoût ni de colère envers les kuffar. Na'am. Fahada, ma'ala yakun? Naqisan fi islam. Hatta la là, Tim, islam. Jusqu'à ce que son islam, il n'est même pas parachevé. Il pense qu'il est dans l'islam, mais en fait, il n'y est pas. Et nous, quand on dit ça, c'est pas une parole, yani, c'est une parole qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que nous, par rapport à notre amour d'Allah Azza wa Jal, on se doit de détester toute personne qui insulte notre Seigneur. Wa kullu man sabba rasoula. Et toute personne qui insulte son prophète. Faha wa haula yudandinuna bisabbillah. Alaysa al-yahud yaquluna yadullah maghloula. Les juifs qui disent que les mains d'Allah sont maghloul. Hein? Maghloul bima'na la yu'ti. Yani bakhil. Eh, nahnu sanuhib haula? La. فالمسلم لابد أن ينشأ ويتربى على هذه الاعتقاد. نعم على هذه الاعتقاد. فلما نتكلم في مثل ذلك في الخطب هذا لتعم الفائدة للجميع. Lorsqu'on évoque ce genre de choses dans des khutbas, c'est pour que cela ça touche la plupart des gens. Parce que les durus مثل هذا لا يحضره إلا من وفق للعلم. Parce que ce genre de cours, il y a yani ceux qui y assistent en général, c'est ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala il leur a accordé le fait de chercher la science. Tandis que lorsque tu fais un khutbah, c'est tout le monde qui peut staffer. Na'am. Fa hadha kalam yani nu'iduhu li ikhwanina alladhina ma hadaru. Je répète vite fait les deux paroles qu'on vient de prendre de Mohamed ibn Abdul Wahhab ainsi que d'Abdurrahman ibn Hassan. Mohamed ibn Abdul Wahhab يقول أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتسريح لهم بالعداوة والبغضاء كما قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. ومرة كنت أذكر مع الإخوة أن واحدا ربما يهاجر. Une personne, elle peut faire la hijra. Elle a fait la hijra من France, مثلا, إلى بلد بعيد. Jusqu'à dans un pays lointain. Et il a délaissé la dunya pour la pauvreté et la vie difficile. Il s'est fatigué, il s'est fatigué. Vous voyez ? Lakin, dans son cœur, mazal, il a de l'amour pour des chanteurs. Ça soit n'importe quel type de musique, mais il a toujours de l'amour pour ce genre de chanteurs. Il dit au frère, il dit, t'akhayyal, أنك يوم القيامة مع أنك تعبت في نفسك طول عمرك يوم القيامة تبحث مع من أحببت. Et le jour de, je lui dis à cette personne-là, je lui dis, tu sais pas que le jour de la résurrection, malgré que tu as fait la hijra, malgré que tu t'es éloigné de ce genre de chanteur ou de ce genre de musique ou quoi, le jour de la résurrection, tu seras ressuscité avec ceux que tu as aimés. Et ça, c'est des choses, la personne, elle doit réfléchir. Elle doit se dire vraiment que ça, yani, l'a'mal al-qalbiya, la budda min juhd, wa ijtihad, la siyama pour ceux qui sont nés dans ce genre de pays. Parce qu'on a combien de choses qu'on nous a inculquées depuis notre enfance qui sont fausses, sur lesquelles il faut faire un jihad al-nafs, il faut faire un combat personnel pour les sortir du cœur. Na'am. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن وأجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعادتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله. نعم. المهم قال بعد ذلك بعض السور المكفرة في مسألة الموالاة. Donc là on va voir quelques exemples de l'alliance avec les associateurs. Cette alliance qui peut faire sortir la personne de l'islam. نعم. أولا أن يوالي المسلم الكافر مع المشاركة في الديار والقتال معه وعدم سلامة المعتقد فهذه سورة مكفرة لقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. Et donc le premier exemple parmi les types d'alliances qui fait sortir de l'islam, le fait que le musulman s'allie avec des associateurs tout en vivant dans le même pays, et en combattant ensemble et sans jamais être préservé dans la croyance, ça veut dire quoi, Abdillah? Sans jamais être préservé dans la croyance. Wa alaykoum salam. Ils réfutent pas leur fausse croyance. Pour lui, yani, ils voient qu'ils sont quand même dans un haq. Ils voient que les associateurs sont dans une vérité. Et le fait de voir que les associateurs sont dans une vérité, hada c'est du kofr. لأي ناقد يا عثمان؟ سكال ناقد؟ نعم. نعم. Le fait de douter sur la mécréance claire ou de penser que leur voix est juste, ceci est de la mécréance. نعم. طيب la sourate الثانية نصرة الكافر على المسلم وعونهم عليه. Le fait la deuxième forme d'alliance qui fait sortir de l'islam, c'est le fait de secourir secourir un associateur face aux musulmans et de l'aider, d'aider cet associateur contre les musulmans. Non. وإن شاء الله نكمل الدرس غدا لما جاء الوقت الله المستعان وبعد الظهر ناخذ الأربعين نووية si par exemple les khawarij ils sont cotés comme des musulmans الخوارج بعضهم قالوا انهم ليسوا بمسلمين Certains, ils ont dit que les Khawarij, c'est la secte, par exemple, qui appelle au terrorisme. Quoi. Enfin, certains ulema, certains savants disent que cette secte-là ne font même pas partie de l'islam. Et c'est une parole qui est forte. C'est l'avis de l'imam Mohammed, c'est l'avis de l'imam Ibn Baz, qui dit que Haoula Kofar, qui dit que ceux-là sont des mécréants. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallam, il dit, lorsque il informe sur cette secte, il dit qu'ils vont sortir de l'islam comme un takhrujo al-sahm min al-ramiya. Ils vont sortir de l'islam comme la flèche sort de l'arc. Donc, Cheikh Ibn Baz, il dit, فَهَذَا دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ الْخَوَارِجِ كُفَّارٌ. Il n'y a pas un mal à s'allier avec des kuffars pour les combattre. على هذا الكلام لا يعني لا بأس على هذا الكلام وإن كانوا من المسلمين des koufars pour contre un autre peuple. Et après, ils ont fait le prière sur ça que si c'est des gens qui sont musulmans, ils font du bari aux gens. Et que les gens n'ont pas cette capacité. C'est-à-dire, si ça se dit aux koufars pour défendre un plus grand bien l'unité des musulmans, juste dans ce combat-là, mais pas, c'est pas Yakadi en fait, c'est pas de croyance. Tadri, hada, yani, saraha, hadi, l'humour, mahiya, ala, etlaqia. Tu vois, c'est des choses qui sont. On ne pourrait vraiment pas les juger à la etlaqe. Parce que. Ils ont pas tous la même valeur. Si ils sont considérés comme des mécréants, ça, il n'y a pas d'ishkal. Mais s'ils sont considérés comme des musulmans, et c'est la parole de la plupart des savants qui voient que ce sont des musulmans, yani le fait d'aider. Des kuffars sur contre eux ou quoi que ce يعني يرجع الى المفسده والمصلحه عرفت pourquoi je te dis ça parce que il se peut que les kuffars ils sont derrière eux عرفت كيف il se peut que les kuffars ils sont derrière eux من ورا et c'est eux qui les poussent ça veut dire toi quand tu vas venir tu vas t'aider des mécréants contre eux En vérité, ça ne va pas masser sur le maqsoud. Araftum? Et donc, cette question, elle revient à l'ulama. Non. À la kulli hal, haoula, comme a dit l'akhouna Fahmi, haoula, bougha. Ce sont des transgresseurs. Non.